Et en même temps que je lui repasse mon ténor, je lui impose mon opéra. Oh. Et voilà les pacarelles qui passent à la postérité. Oh. Messieurs, mesdames, à votre santé. Oh, oui, oui, oui. Papa, je suis contente. Oh, mais prends mon garde, voyons à mon col. Bien embrasser sans te suspendre. Tiens, embrasse ta belle-mère. Plus. Oh, ben d'abord, ne dis pas toujours ta belle-mère, ça vieillit, moi. Ça me donne l'air d'une conserve. Oh. Oh. Les conserves valent souvent mieux que les primeurs. Oui, elle prêche pour sens, ça, la maman Landerneau. Monsieur, il y a un monsieur qui arrive de Bordeaux. Ah. Il est de la part de monsieur Dufausset. Ah. De Dufausset, c'est lui. C'est lui, c'est Ducheton. Oh, mes amis, je vous en prie, faites-lui une entrée. Songez, un ténor, c'est habitué aux ovations. Alors, Marthe, au piano. Ton grand morceau, hein. Madame Landerneau et toi, Julie, vous allez taper sur vos verres avec des cuillères. Et puis alors, hein, n'ayez pas peur de faire du bruit, hein. Toi, Landerneau, tu vas monter sur une chaise en face de moi, et avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe, hein. J'ai bien compris. Alors, allons-y, hein. Tiburce, toi, fais entrer avec déférence, hein. Alors, on y est. Attention, je compte. Un, deux, trois, allons-y. Quelqu'un de fou. Je me suis trompé. Eh bien, où allez-vous? Ne vous dérangez pas, là. Faut pas les contrarier. Mais continuez donc. Ah, ben voyez, il aime ça, les ovations. Allez, reprenons. Mais ne filez donc pas, voyons. Ah, ici, donc. Mais je ne file pas. Non, je ne suis pas rassuré du tout, moi, ils sont en nombre. Maintenant, cause. D'abord, permettez-moi de vous présenter tout le monde. Monsieur et Madame Landerneau, vos amis intimes qui partagent notre maison. Oui. Ma femme. Santé. Ma fille. Oh, le monsieur du tramway qui m'a prêté 6 sous. La dame qui avait oublié son porte-monnaie, est-ce possible? Dans une maison de fous. Oh, voilà. Pauvre femme. Voilà, les présentations sont. Eh bien, je suis bien content de vous voir. Dufausset va bien. Papa? Papa? Il a dit papa? Pourquoi dit-il papa? Non, je vous demande si Dufausset. Dufausset? Oh, mais alors. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais vous êtes monsieur Pacarel. Ben tiens, parbleu. Mais est-il bête? Il m'a fait une peur. Ben, et moi qui croyais être chez des fous. Comment? Dame, c'est vrai. On vous trouve là, tous sur des chaises, sur la table ou dans le piano. On aurait cru que vous jouiez au chat perché, en musique. Mais on vous faisait une entrée. Ne plaignez-vous donc. Ah, c'était pour... Quelle drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Comment? Vous êtes monsieur Pacarel? Oh, santé. Ah, à propos, j'ai une lettre pour vous. Elle est au fond de ma malle. De Dufausset? C'est cher ami. Il va bien, Dufausset? Ah, admirablement. Il va admirablement, mon père. Pourquoi m'appelle-tu son père? Il a dû être élevé chez les jésuites. Eh bien, comment le trouvez-vous, mon ténor? Majestueux. Il a l'air d'avoir de la santé. Je le soignerai. Drôle de gens. Papa qui est à Bordeaux me dit hier, mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville des plaisirs effrénés et des corruptions faciles, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel, en le priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui et ne le contrarie pas. Tu verras, c'est un charmant homme. Ça, c'est vrai, il en a l'air. Je crois que je m'entendrai très bien avec lui. Vous ne savez pas combien je suis heureux de vous avoir. Dites donc, vous n'avez pas déjeuné? Le fait est que depuis ce matin... Oh, j'en étais sûr. Vous ne voulez pas un œuf cru, une côtelette saignante? Non, merci. J'aime mieux autre chose. Quelle drôle de cuisine on fait à Paris. Mais c'est que quelquefois pour la voix... Oh, si c'était que ça, vous savez, moi, ma voix, j'en fais peu de cas. Tout le monde n'est pas comme vous. Je n'en doute pas, madame. Ça doit être une chanteuse. Il est un peu fat. Enfin, on vous donnera ce qu'il y aura. Je vais m'en occuper. Non, madame, je suis confus. Monsieur. Elle a rougi, elle m'a reconnu. Elle est exquise. Mais qui est donc cette dame? La femme de Pacarel ou de l'autre? On m'a présenté tout le monde en bloc. Moi. Et maintenant, si vous voulez bien, à table. Car nous n'avons pas fini. Vraiment? Oh, mais alors... Je ne veux pas déranger le service, je prendrai là où vous en êtes. Eh bien, si vous voulez. Tiburce, servez toujours un rince-bouche à monsieur. Ah. Comme ça, vous ne serez pas obligé d'en prendre un à la fin du repas. À votre santé, mesdames et messieurs. Et là, attendez donc, ça n'est pas fait pour les toasts. Voilà, j'ai donné les ordres, on va vous servir quelque chose. Amandine, en même temps, voici le panier. Vous savez que vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Le Parc des Princes est très sain pour la voix. Ainsi, vous ne pouvez refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre, vue sur le jardin. Et il y a un piano. On sort. Et je vous préviens qu'il est à queue. Ah ben tant pis, ça tient plus de place. Enfin, j'y mettrai mon linge. Oh monsieur, un peu de café? Mais très volontiers. Non. C'est très excitant. Faites-lui faire un lait de poule. Mais je le déteste. Ça ne fait rien, ça veloute le gosier. Mais j'ai pas besoin de velouter. Ah, ici, il faut obéir. Allons bon, ils mettent au régime. Je vais le commander. C'est ça, soigne ton futur interprète. Car... c'est elle. C'est cette belle jeune fille qui a fait l'opéra. Ah, mademoiselle Garnier. Mais Dufossé a dû vous en parler. Vaguement. En tout cas, il ne s'est pas étendu. Eh bien, voilà. C'est elle. C'est elle. Oh, j'en suis bien aise. Beau monument. Oui. Il a dit j'en suis bien aise, hein, tu as entendu? Il est charmant, ce jeune homme. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs d'oranger. Un peu de liqueur, monsieur. Oh, madame, de votre blanche main. Elle est délicieuse. Qu'est-ce que c'est? De l'eau de Janos? Ah, non, merci. N'inquiétez pas, c'est une vieille bouteille. Ah, bon, la bonne heure. Et maintenant, mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à causer ensemble, monsieur et moi. Ça se trouve bien, j'ai justement à travailler. Eh ben, venez-vous, mesdames. À tout à l'heure. Et maintenant, parlons sérieusement. Je vais droit au fait. Voilà ce que je vous propose. Je ne lésinerai pas. Voulez-vous 3000 francs par mois? Moi, hein? 3000 francs par mois, nourris, logés, chauffés et soignés. Hein? Ça ne vous suffit pas? Qu'est-ce qui chante? Mais vous voulez rire? Moi, je veux rire, mais non, je... pas du tout, je croyais que... Christy, ils sont exigeants, les ténors, à présent. Enfin, qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Mon père! Mon père? Il tient à m'appeler son père. Non, je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs! Eh bien, ça fait bien 3000 francs. Et comment ça, 100 francs, ça fait 3000? Dame, il y a 30 jours par mois. 100 fois 30, 3000? Non, mais permettez, c'est que... Enfin, c'est bon. Je ne lésine pas. Disons 3005. Voulez-vous 3005 par mois? Si je le veux. Mais il est étonnant. Ah, papa me disait bien que c'était un homme charmant, mais je ne croyais pas que ce fût à ce point. Alors, acceptez-vous? Si j'accepte. Ah, bah tiens, parbleu. Bon, eh bien alors, c'est convenu. Nous allons signer notre traité. Et un traité en règle. Parce que comme ça, chacun connaît son droit. Et vous savez, le droit avant tout. Oh alors, c'est vous qui me ferez passer l'école. Non, je ne connais pas l'argot du théâtre. D'abord, nous stipulons un fort défi. Hmm? Oui, 40 000 francs si vous me quittez. Oh, n'ayez pas peur, je ne vous quitterai pas. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Chanter quand et où bon me semblera. Chanter. C'est une drôle d'idée, par exemple. Ben, vous êtes payé pour ça. Dites donc, vous voulez faire une nice à quelqu'un, hein? Oui, à l'opéra. En m'y faisant chanter. Non, c'est-à-dire que... Non, inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, peu importe quelles sont mes idées. Alors, acceptez-vous? À ce prix-là, ben, je crois bien. Oh, ben, si je m'attendais à ça, par exemple, quand je pense qu'à Bordeaux, quand je chante, on me dit « ferme ça, tu vas faire pleuvoir ». Alors, vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de rédiger. Il est de 10 ans. Mais ça m'est égal puisque je le repasserai à l'opéra. Nous disons 3005 d'un côté et 40 000 de l'autre. Là, voilà. Merci. Voilà qui est fait. Devant nous, c'est ça, nous mettrons les noms plus tard. On comparu les sieurs Pacarel, Étienne, François, fabricant de sucre par exploitation des diabétiques d'une part, et du jeton. Qui ça, du jeton? Mais vous? Ce n'est pas votre nom. Du jeton. Ben, c'est un nom de théâtre, ça. Ben, c'est votre nom de... Bon, enfin, comment vous appelez-vous? Madame, comme mon père. Ben, je pense bien, mais encore. Ben, Dufossé, parbleu. Dufossé? Oh, on n'achève pas malheureux, j'ai compris. Dufossé est ton père? Eh ben oui, puisque je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'il a? Dufossé est son père? Il a un fils? Lui? Un homme marié, père de famille? Oh, quelle honte! Ah, il ne me l'avait jamais dit. Voilà donc un fruit de sa débauche. C'est mon père qui m'a dit « Va trouver Pacarel ». Mon père? Il te permet de l'appeler ton père? Madame, c'est logique. Et tu es sûr que c'est bien ton père? Madame! Mais qu'est-ce que dit sa femme? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Mais est-ce qu'elle sait que tu es son fils? Maman? Mais il est bête. Maman? Elle te permet de l'appeler maman? Oh, pauvre femme, elle endosse, elle légitime. C'est de l'héroïsme. Oui, ben ils ont beau dire, ils sont tout de même un peu braques dans la famille. Mais le fils, que dit le fils de te voir prendre dans la famille une place qui n'appartient qu'à lui seul? Le fils? Mais quel fils? Ben, le fils de ton père. De mon père? Papa a un fils? Parfaitement, je l'ai connu il y a 13 ans, il avait 12 ans. Il est beaucoup plus petit que toi. Un fils? Mais de qui? Et parbleu, de sa femme. Tu ne l'as jamais vu? Ben, jamais. Serait-il mort? Ah ben ça c'est trop fort! Ah ben je vais écrire à papa! Non, non, non, non. Oh, ne fais pas ça, malheureux! Oh! Plus que cela, la révolte de l'adultérin contre le légitime? Oh ben j'en aurais le cœur net! Mais ne t'agite pas! Ne vous agitez pas! Ce qui est fait est fait. Pour moi, j'ignore tout. Allez, ne parlons plus d'eux et signons le traité. Alors, vous signez Dufausset, pauvre Dufausset. Tenez, mettez à côté dit Dujeton, pour qu'on sache. C'est cela? Voilà. Parfait. Voici votre traité. Merci. Et voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Ah ben, je vous souhaite du plaisir. Oh ben, j'ai toujours aimé protéger les arts. Ah, ben c'est sans doute pour ça que vous êtes officier d'académie. Non, ça c'est une décoration que j'ai trouvée au bal de l'opéra, oui. Je l'ai déposée chez le commissaire, personne ne l'a réclamée. Et au bout d'un an et un jour, on m'a dit, ça vous appartient. Voilà comment je suis officier d'académie. Oh, mes compliments. Ah, suivez-moi, je vais vous installer dans votre chambre. À propos, une petite recommandation. Vous ne jouerez pas du piano de trop bonne heure pour ne pas réveiller tout le monde. Hein? N'ayez pas peur, j'ai le respect des autres. Du piano, surtout. Vous savez, ces dames aiment à dormir. Ces dames? Elle en met de ces dames. Madame, comment s'appelle-t-elle? Ah ben c'est que je suis absolument pincée depuis ce matin. Alors, venez-vous. Voilà son panier à ouvrage. Ah, ma foi, je vais lui écrire un mot. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Là. Et maintenant, dans le panier. Qu'est-ce que vous faites dedans, dans le panier de Madame Landerneau? Moi, rien du tout. Madame Landerneau, c'est la femme de l'autre. De l'autre? Ben alors, je n'ai pas de scrupule à avoir. Mais vous regardez son panier avec des yeux de merlan-fille. Monsieur Pacarel, êtes-vous homme à garder un secret? Oh, quand je ne peux pas faire autrement. Je trouve Madame Landerneau admirable. Vous? Non, mais c'est pas possible. Mais vous ne l'avez pas regardé, voyons. Une poitrine, ça n'en finit pas. Ça s'en va. Elle s'en va de la poitrine, mon ami. Ah, que voulez-vous? J'en suis toqué. Eh bien, pour la rareté du fait, c'est égal, j'aurai l'œil. Landerneau est un ami. Monsieur Lannoy de Vaux. Oh, cher bon père! Monsieur Lannoy de Vaux, mon futur gendre, monsieur Dufausset. Un Dupré de l'avenir. Ah, monsieur est peintre. Moi? Mais non, monsieur s'occupe de champs. Paysagiste alors? Mais non, il est boucher, mon gendre. Boucher? Fichu métier? Je vais vous dire, c'est que moi, je me destine à la peinture, comme mon père. Ah, votre père se destine. Non, il est mort. Il était peintre en animaux. Oui, il a même fait le portrait de mon genre. Oh. Superbe. Alors, je me suis fait peintre comme lui, pour faire quelque chose. Ah, eh bien, moi, mon père est fabricant d'alcool, alors je le suis un peu aussi. Je fais surtout la bête. Tiens, et moi, je fais de l'esprit. Les extrêmes se touchent. En santé. En santé. Allons, mon gendre, nous vous quittons. Je vous envoie votre fiancé. Faites donc. Venez-vous, Dufausset. Je suis. Maman m'a dit, tu vas porter un bouquet à ta fiancée. C'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté, le bouquet, mais en venant, j'ai fait un crochet jusque chez Camélia. Et elle me l'a ramassé, mon bouquet. Elle est charmante, Camélia, et sans façon. Avec elle, je n'ai pas besoin de tourner ma langue cette fois dans ma bouche. C'est pas comme ici, où maman m'a recommandé de le faire chaque fois que j'ai à parler. Aussi, en voilà une idée de vouloir me marier. C'est stupide. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde, moi, est-ce que je me marie? Elle a même ajouté, si je consentais à me marier, ce ne serait qu'avec toi. Et elle a appelé sa bonne pour me faire tirer les cartes. Savez-vous ce qu'elles m'ont dit, les cartes? Si Lannoy de Vaux se marie, il sera malheureux. S'il reste avec sa Camélia, il sera toujours heureux. Et ça m'a coûté 20 francs pour la bonne. Vous comprenez que je ne veux pas aller contre les destins. Papa m'a dit, va retrouver ton fiancé. Il m'ennuie, mon fiancé, il bégaye. Et ajoutez, papa, observe-toi, tiens-toi à droite et compte deux fois jusqu'à quatre entre toutes les paroles. La petite Pacarel, tournons cette fois la langue. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie, vous. Oh, ça, qu'est-ce qui est là? Je vous avais apporté un bouquet. Seulement, je me suis aperçu qu'il était fané. Alors, je l'ai jeté. Oh, Dieu, qu'il était gassant avec son tic. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trop aimable. C'est tout de même d'être musicienne. Elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et madame, votre mère va bien? Ce qu'elle a écrit, sponte. Très bien, très bien. Mais sa pauvre sœur est très malade. Avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a un chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Oh, il doit avoir une paralysie de la langue. Non, mais me voyez-vous toute ma vie embringuée de cette petite dinde? Quand on est 5 minutes avec elle, on ne trouve rien à lui dire. Eh ben, le beau mari s'affraie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. C'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Il faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Ainsi, en ce moment, je suis en train de faire des études pour avoir l'explication d'un phénomène que vous avez dû remarquer comme moi si vous en avez fait l'épreuve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est... Pourquoi la mie de pain, qui est blanche, quand on la roule entre ses doigts, devient-elle noire? Oh, quelle cruche, mon fiancé! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas fait d'études spéciales. Et on veut que je l'épouse? Ben, jamais. Plutôt prononcer mes vœux que de la prendre pour femme. Mademoiselle, vous dites... Non, parlez. Après vous... Chut, madame Landerneau, tout à l'heure. Oh, Bibiche! Bonjour, madame. Ne vous dérangez pas, ne faites pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, mais sans les troubler, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Marthe viendra après. On ne le croirait pas, mademoiselle. Par cette chaleur, je mouille jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Oh, mon Dieu. Quoi? Rien. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. C'est lui, c'est le ténor. Adieu, l'imprudent, il m'écrit. J'avais bien vu qu'il me regardait depuis que je vous ai frôlé. Mais où ça m'a-t-il frôlé? Dieu, ça doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans la colonne Vendôme. Il faisait tellement noir, je n'ai pas pu le voir, mais j'ai entendu sa voix, car il s'est écrié « Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. » Ah, celui-là, il m'a frôlé, et bien encore. Pauvre jeune homme, serais-je impitoyable? Faudra voir. Madame? Ne vous dérangez pas, mes enfants. Eh bien, voyons, que vouliez-vous me dire? Oh, je n'ose pas, parlez d'abord. Oh, je n'ose pas non plus. Eh bien, j'aime mieux vous l'écrire. Et moi aussi. Voilà du papier. Oui. Là, la voilà. Voilà, c'est fait. L'on ne force pas ses sentiments. Hein? Mais nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas les sentiments. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Oh, c'est drôle. Oh, elle est bien bonne. Comment, vrai? Vous ne m'aimez pas? Ni vous non plus. Oh, que je suis heureuse. Et moi donc? Mais dites donc, mais je devrais me froisser. Oh, que je ne vous aime pas, moi, je le comprends, mais vous, ça me vexe. Je pourrais vous en dire autant. Oh, mais n'ayez pas peur, je ne vous en veux pas. Mais vous faites, dites donc, vous n'avez plus votre tic? Mon tic? Mais oui, vous savez bien, comme ça, là. Oh, ça n'est pas un tic, c'est une précaution. C'est maman qui me l'a ordonné. Bien, c'est comme moi, mon 1, 2, 3, 4. C'était une recommandation de papa. Oh, ben j'aime autant ça, je me disais, oh, pauvre jeune homme. C'est comme moi, je pensais, c'est pas possible, elle a avalé un métronome. Ah, mais comme nous allons nous entendre maintenant que nous ne nous épousons plus. Je crois bien. Amis. Amis. Et maintenant, soyons diplomates. Jusqu'à nouvel ordre, pour tout le monde, nous restons ce que nous sommes. Oui. C'est le seul moyen de conserver notre liberté. Et nous aurons tout le loisir de prendre une décision. Entendu. Donc, comme si de rien n'était. Chut, attention, voilà ma belle-mère. Madame? Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Dis donc, tu n'as pas vu le ténor, fillette? Non. Ben, je le cherche. Oh, il faut que je lui rende ses 6 sous. Voyons, il n'y a pas un morceau de papier pour envelopper, c'est plus convenable pour remettre de l'argent. Alors, c'est convenu, nous restons fiancés aux yeux du monde. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vous demande la permission de vous quitter. Mais faites donc, cher monsieur. Elle est charmante. Oh, il gagne beaucoup comme ami. Mais vous partez, monsieur. J'y suis forcée, madame, car ma mère m'attend. Une vieille lettre d'Amandine quand elle était en Italie avec son mari. Si vous saviez que de bibelots j'ai acheté, des caisses pleines, je sens que je fais des folies, que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari, je ne dis rien non plus. Soignez bien mon serin, et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Oui, ça n'a aucune importance. Je l'ai comme ça enveloppé, c'est beaucoup plus convenable. Ah, mais avec ce cache-nez autour du cou, si je m'enrhume, j'aurai de la chance. Le ténor! Tiens, vous avez froid? Madame Landerneau. Moi, mais pas du tout. C'est Monsieur Pacarel qui a voulu précisément que pour que je ne prenne pas froid. On a touché au panier, elle a dû trouver le billet. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur. Madame. Je vous cherchais à cause de ce que j'ai reçu de vous. Mon billet. Oh, madame, vous ne vous êtes pas offensée? On ne se froisse jamais d'une galanterie. Oh, ce que j'ai fait est bien audacieux. Je n'ai point trouvé. Ah, vous n'avez pas? Non. Il y a un bel cuirassé. Croyez bien que si j'avais su... Mais quand on ne se connaît pas, n'est-ce pas, je n'ai pas osé en mettre davantage. Oh, mais je n'avais pas besoin. Non, le tarif et rien de plus. Le tarif? Oui. Ah, il y a un tarif? Ce n'est pas comme ça à Bordeaux? Mon Dieu, non. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. J'aurais besoin de me faire aux habitudes de Paris. Pas de tarif. Mon Dieu, que ça doit être incommode. On ne doit jamais s'entendre. Oh, si, c'est une question de sympathie. Avec le conducteur. Oh, mais vous m'en direz tant. Elle appelle ça un conducteur. Oh, non, ça, c'est un type. C'est égal. Je suis heureux que vous ne soyez pas froissé. Mais pourquoi voulez-vous que je me froisse? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'obliger. Certainement. Elle a une façon de désigner les choses. N'importe, je n'ai pas voulu être en reste avec vous. Et à mon tour, voilà. Oh, un billet, elle m'a répondu. Oh, on ne perd pas de temps à Paris, on brûle, on brûle. C'est la névrose, la fameuse névrose. Mais pourquoi t'as mis des petits cailloux là-dedans? Et maintenant, je vous quitte. Oh, je garderai cela toute ma vie. Oh, ça vous regarde. L'économie est une belle qualité. Au revoir. Et merci. Que veut-elle me dire? Voyons. Tiens, ce ne sont pas des cailloux. C'est de l'argent. Oh, les 6 sous. Bon, elle aurait pu les garder. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Est-il possible? Oh, chère ange. Ne dites rien à mon mari. Bah, tiens, parbleu, pas si bête. Je ne dirai rien non plus. J'espère bien. Soignez bien mon serin. Son serin. Ça doit être son mari. Elle a une façon d'appeler les choses. Ah, oh ben certainement, je le soignerai, ton serin. Mais c'est dans l'ordre, cela. Et si vous voulez être tout à fait adorable, ben voyons, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Hein? Une paire de... Mais je crois bien, mais le texte. Une paire de... Oh, ben, on voit ça qu'à Paris, alors. Mais je vais courir lui en acheter des masses. Je vous embrasse, signé Amandine Landerneau. Oh! Le ténor, je suis émue. Oh, Amandine, chère Amandine. Il pense à moi. Oui, va, je te donnerai des jarretières. Il veut me donner des jarretières. J'en ferai venir un lot. Oh, mais tu m'aimeras, dis. Amandine, tu m'aimeras. Mais j'aime mon mari, moi, monsieur. Hein? À vous? Mais je n'en doute pas, madame. Qu'est-ce qui lui demande quelque chose? Encore une cale araignée. Je l'ai intimidé, pauvre garçon. C'est-à-dire, j'aime mon mari, mais non au détriment des autres amitiés. Ah, vraiment? Mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Ne rougissez pas, jeune homme. Mais je ne rougis pas, madame. Ainsi, quand je vais dans la colonne Vendôme, ne blanchissez pas, jeune homme. Mais je ne blanchis pas, madame. Souvent, on se croise, on se rencontre. Une fois, entre autres, il descendait, je montais. Je me suis effacée. Allons donc, comment avez-vous fait? Il m'a frôlée. Ne verdissez pas, jeune homme. Mais je ne verdis pas, madame. Elle voudrait me faire passer par toutes les couleurs. Et de ce frôlement a jailli l'étincelle. Je n'ai pu le voir, lui, mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme. Allons bon, quelle couleur à présent? Jeune homme, dites un peu pour voir Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. C'est pas du tout la voix. C'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Mais ça ne peut être que lui. Il n'y en a pas tant qui m'ait frôlé. Non, mais pourquoi me raconte-t-elle tout ça? Vous dire combien cette rencontre dans la colonne m'a brisé, écrasé. Ah ben ça ne m'étonne pas, hein, c'était si étroit. Depuis ce souvenir me hante. Alors je sens des effluves du sang qui me remonte et des battements là et là. Ça fait brrr partout. Non, pauvre petite. Parfaitement. Eh bien, j'ai connu une dame qui avait ça. Mais on lui a fait prendre des purgations et quelques mois après, elle a couché. Est-ce possible? Oh, le ciel m'en préserve. Je crois que je l'ai trop bousqué tout à l'heure. Ah, mes amis, je suis aux anges. Il a une voix, voyez-vous. Il l'a fait chanter? Non, mais je l'ai entendu tousser. Et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Si tu le priais de chanter quelque chose. Mais volontiers. Mon cher Dufausset. Dufausset. Non, je ne vous l'ai pas dit. Il est le fils naturel de Dufausset. Mais n'en parlez pas. Ça lui ferait de la peine. Oh, le pauvre garçon. Et croyez que je prends bien part. Vous êtes trop aimable. Mais qu'est-ce qu'il a, le médecin, hein? Mais à propos de quoi? Rien. Chut, je respecte les blessures. Ah ben, vous avez raison, ça regarde les chirurgiens. Quel drôle de famille. Dis donc, chantez-nous donc quelque chose. Mais vous n'y pensez pas. Ben voyons, c'est bien loin. Mais quelle sacrée manie ont-ils de vouloir me faire chanter? Oh, monsieur, vous ne le refuserez pas à moi. Elle. Mais je vous assure que je n'ai pas de voix. On dit toujours ça. Je vous accompagnerai. Où ça, mademoiselle? Mais au piano. Oh, ben j'irai bien tout seul. Oh, mais non, je jouerai l'accompagnement, là. Mais parfaitement. Non, mais je vais vous dire, n'est-ce pas? Les pianos, ils sont tous faux à côté de ma voix. Enfin, nous essaierons. Alors, vous voulez que... Oui. Eh bien, tant pis, c'est vous qui l'aurez voulu. Vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Oui. Non, mais allez, je vous en donnerai des jarretières. À moi, déjà? Mais il est fou. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Ça m'est égal. Bon, c'est un peu... Salut, demeure, chaste et pur. Je connais, je l'ai refait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je sais pas, il m'a offert des jarretières. Hein? Et à moi aussi, c'est une monomanie. Y êtes-vous? Voilà. Je vous aime. Ah, mon Dieu, je suis aimée d'un ténor. Il fait la cour à Marthe, je le surveillerai. Attention. Ah, comme c'est déjà beau. Comme on sent un grand ténor. C'est exquis. Chut. Attention. Aïe, il y a un chat. Un chat? Où ça? Mais faites-le sortir. Non, permettez, vous descendez, on remonte. Ah, moi je descends toujours. Oui, mais c'est toujours comme ça, voyons. Pour les grands chanteurs, on modifie. Mais oui, bravo. Allez. Vous recommencez, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais que le diable l'emporte! C'est un mendiant devant la grille! Mais il faut lui jeter! Mais oui, c'est ça! Allez-vous-en! Non, il s'en va. C'est pas malheureux! Voilà, maintenant, alors, si vous voulez bien. Oh! Encore! Oh non! Y a pas moyen de chanter comme ça, moi. Il joue un air, moi j'en chante un autre, ça fait un courant d'air. C'est pas possible! Ah, un courant d'air? Oh mon Dieu, il a raison! Mais il pourrait prendre froid! Vite, fermez les portes! Et puis, couvrons-le! Tous cherchent un objet pour couvrir du fossé ahuri. Chacun se précipite, qui sur un foulard, qui sur un tapis de table, qui sur un manteau pour couvrir du fossé. Un courant d'air? Ah bien, merci! Il coiffe du fossé de la chancelière. Eh bien, au fond, on ne serait pas connaisseur, on dirait cet homme-là, c'est pas un chanteur, c'est une casserole. Un salon de campagne, toujours au Parc des Princes. Et Tiburce s'est assis à un petit guéridon et fait de la tapisserie dans un canevas qui représente un zouave. Oh, que c'est bête la vie! On admet qu'un amant aime sa maîtresse et on n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Où est la nuance? Oh, Amandine, tu ne m'as pas compris. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. On doit aimer pour deux avec toi. Tu fais du profit. Mais un jour que j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour, tu m'as appelé Ruy Blas. Et tu m'as envoyé promener. Alors pour me consoler, il ne me reste plus de temps en temps, quand tu n'es pas là, qu'à faire quelques points dans ta tapisserie, dans ton zouave. Je sais bien que tu défais chaque fois mes points, mais ça m'est égal. Je recommence, et ça me fait du bien. Eh bien, Tiburce, qu'est-ce que vous faites là? Rien, je... Madame voit, je tapisse. Ma tapisserie? Ben, vous avez de l'aplomb. Et moi qui me demandais toujours qui me faisait des points à l'envers. C'était moi, madame. J'étais si heureux de collaborer avec madame. Il ose. Allez, et que cela ne vous arrive plus. Oui, madame. Cette femme ne m'aimera jamais. Une femme si forte en chair. Oh, ma livrée, que tu me pèses. Non, mais a-t-on dit ça? Rangeons cet ouvrage. Ciel, encore un billet de Dufossé. L'imprudent, il met ça dans mon panier. On n'aurait qu'à le trouver. Voyons. Il n'y a donc personne dans cette maison? Oh, bibiche! Il faut absolument que je vous parle. Madame? Vous avez bien voulu m'encourager, eh bien je me risque. Elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame! Il se risque. Je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits et laconique dans ses discours. Il est donc sourde comme une pioche. Madame! Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Je vous demande pardon, mais voilà deux fois que je susurre. Alors j'ai un peu élevé le susurrement. Et vous allez bien, madame? Oui, c'est bon. À tout à l'heure. Je me risque. Et moi, j'ai été très souffrant toute la nuit. Alors tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Elle n'a pas plus l'air de s'occuper de moi que... Le jour où on n'est pas tranquille, accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Hein? Vous ne pourriez pas me dire au moins où je pourrais trouver ma fiancée? Dans la serre. Dans la serre. Merci. Je vais la rejoindre. Dans la serre, il ne doute de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Ça, c'est des bêtises. Réfléchissez. Je suis un galant homme. Oui, très galant, très galant. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix « Colimaçon borgne » ou « Coucou à le voilà ». Et vous indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Vous me rendrez bien heureux. Ah, je vous dis, il est éloquent dans ses écrits. À propos, j'ai trouvé des jarretières. Mais on me demande la mesure. Il y tient, ces jarretières. Qu'est-ce que tu lis là, Ruy-biche? Moi, rien. Mais comment rien? Ben, je t'ai bien vu. Quelle est cette tête que tu caches? Mais rien, je te dis. Un papier sans importance. Alors, pourquoi l'as-tu vivement dissimulé à mon approche? C'est que... Alors, montre-le-moi. Mais je ne peux pas. Ah, bonne, tu me fais supposer des choses. Prends garde, je veux ce billet. Tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas. Amandine, tu me trompes. Cette lettre est une lettre d'amour. Oh, je t'aurais pourtant bien cru à l'abri. Donne-moi ça. Je suis perdue. Non! Donne-moi donc ça, je te dis. Oh, tiens, tu n'es qu'un Othello. L'écriture du ténor, elle aussi? Ne lis pas! Ah, ma foi, tant pis. Cette lettre n'est pas pour moi. Pas pour toi. Et pour qui? Mais pour... Oh, quelle idée! Êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort? Et même après? Eh bien, cette lettre est pour Madame Pacarel. Hein? C'est vrai au moins, ça. Après tout, ça ne m'étonne pas. Il lui a dit « Je vous aime devant moi ». Donc, il se peut bien... C'est égal, je le saurai. Comment ça? Eh, parbleu, en remettant ce billet à Madame Pacarel. Hein? Eh, dame. Vous ne ferez pas ça. Je me gênerai. C'est impossible. Pourquoi? Ce billet est pour elle. Je le lui remets, c'est tout naturel. Elle? Oh! À la grâce de Dieu. Bonjour, docteur. Madame. Eh bien, mais je fais fuir votre femme. Oui, non, enfin... Et votre mari va bien? Oui, il n'est pas encore rentré, il est à l'opéra. C'est en ce moment que M. Dufossé passe son audition et mon mari a tenu à assister à son triomphe. Et il l'aura. Il a une voix si merveilleuse. Ah oui. À ce que dit Bordeaux. Parce que moi, maintenant, vous savez, il y a une différence de climat. Et puis, on a peut-être besoin de s'y faire. Vous savez, c'est la méthode italienne. Apparemment. Oui. À part cela, c'est un garçon bien charmant. Mon mari l'adore. Pas étonnant, c'est toujours comme ça. À propos de lui, voilà un petit mot qu'il m'a chargé de vous remettre et je... Et merci, voyons. Il faut à tout prix que je vous parle. L'imprudent. Oui, je sais, c'est un renseignement que je lui avais demandé. Ah, c'est un... Oui, je vous remercie bien. C'était bien pour elle. J'aime mieux ça. On n'a pas idée de confier des lettres si compromettantes à un tiers. Heureusement que Landernau ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, elle n'y était pas dans la serre. Tiens, ça n'est plus Bibi chez Madame Pacarel. Ce Dufossé d'une audace. Madame. Que peut-il m'écrire? Madame. Eh bien, elle est comme l'autre. Il faut à tout prix que je vous parle. Hein? Et elle lit aussi, c'est donc le cabinet de lecture. Il faut à tout prix que je vous parle, vous avez bien voulu... Oh, ben, qu'est-ce que... vous avez bien voulu... Bien voulu m'encourager, je me risque. Hein? Vous? Mais comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose, c'est une circulaire. Mais alors vous l'avez lue? Non, je ne connais que cette phrase, voilà tout. Quelques lettres de quémandeur, hein? C'est sans importance. Oui, oui, justement. Il m'a fait une peur. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Comment il s'installe? Oui, oui, oui, oui, très bien, je vous remercie, très bien, oui. J'ai été très souffrant cette nuit. Eh bien, allons, tant mieux, tant mieux. Figurez-vous que je cherche ma fiancée pour lui offrir ce bouquet. Madame Landernau m'a dit qu'elle était dans la serre. Elle n'y était pas dans la serre. Non, non, non, en effet, elle n'y était pas. Le jour, on n'est pas tranquille. Vous ne savez pas où je pourrais la trouver. Oh, Dieu, qu'elle est ennuyeuse. Qui? Ma fiancée. Oh, au grenier. Au grenier, quelle drôle d'idée. J'y cours, madame. Oh, c'est pas malheureux. Allez, lisons. Accordez-moi pour cette nuit une entrevue dans la serre. Il est fou, mais pour qui me prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Hein? En tout bien, tout... Oui, enfin, je me disais aussi. Réfléchissez, je suis un galant homme. Oh non, mais je ne peux pas, voyez. Mais je... Non, je... Qu'est-ce qu'on dirait? Mais la nuit, c'est très dangereux, le tout bien, tout honneur. Oui. Mais d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avanie. Puisqu'il me dit, je suis un galant homme, j'aurais l'air d'en douter. Tandis qu'en y allant, il se trouve engagé... Et ce sera plus poli de ma part. Et puis, ce ne sera peut-être pas ennuyeux. Et si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra en chantant à votre choix « Colimaçon borgne » ou « Coucou ». Ah, le voilà. Il faudra que je... Oh, c'est lui qui donnera le signal? Oh non, non, je me fais un scrupule. Ouf. Après tout, je lui dirai de ne pas agiter trop fort, quoi. Ça atténuera. Vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie sur son dos. Ah, ça non, ça non, ça non. Oh, ça, je n'oserais jamais. Oh. Rayer mon mari? Oh, à propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Bah, décidément, il doit être actionnaire dans une fabrique. Marthe, elle n'a dû rien comprendre. Il faut que j'en aie le cœur net. Bibiche, oh, quand vous tenez de la place. Moi? Ah, là, c'est bien. Là. Vous avez vu mon mari? Mais oui, en effet. Il a dû vous remettre un billet. Hein? Comment vous savez? Mais je le sais parce que je l'ai eu entre les mains. Ah, vous l'avez... Oh, il est fou, ce Dufossé. On n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous... Je respire. Pas plus que vous, j'espère. Oh, mais pour qui me prenez-vous? Je ne lis pas les billets. C'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne se doute de rien, je suis sauvée. Elle n'a rien vu, je suis tranquille. Mais ce billet, je l'ai déchiré, que voulez-vous que j'en fisse? Oh, vous auriez pu me le remettre. Tiens, voyez-vous ça? J'ai trouvé plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque, je l'ai lu. Dites donc, c'était sans doute quelques déclarations d'un amoureux timide. Ce billet? Oh non. Si, si, si, quoi? Non. Quoi, on n'est pas responsable des sentiments qu'on inspire. Oh oui, mais non, vous vous illusionnez. C'est inadmissible. Hein? Pourquoi donc, s'il vous plaît? Oh, il faudrait que cet amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet? En voilà une façon. Et comment ça, pas la peine? Oh, merci, c'est gentil ce que vous dites là, mais il n'y a pas d'illusion à se faire. Voyez-vous, il faut en rabattre. On n'est plus femme à exciter des passions. Est-elle impertinente? Sachez qu'on est aussi bien en état d'exciter des passions que certaines personnes. Oh, ce serait de la fatuité d'y penser. Mais tout le monde ne dit pas comme vous. Si la colonne Vendôme pouvait parler... Ah oui, mais la colonne Vendôme n'a rien à faire là-dedans. Je vous demande pardon. Moi, au moins, je n'avance rien sans pièces à l'appui. C'est bien facile de parler. Ce qu'il faut, c'est prouver. Or, tout le monde n'en sortirait pas de sa poche des colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, ma chère, je trouve que ce que vous avez dit est très déplacé. Et je ne me gêne pas pour vous le dire. Quelle bonne amie! Elle me défend même contre moi-même. Allons, voyons. Mettons que je n'ai rien dit. Vous permettez? Vous avez dit objet. Oh, eh bien, je le retire. Là, tout ça n'est pas sérieux. Ben, c'est pas sérieux. Non. Oh, ben, tant mieux, parce que ça me faisait de la peine. Oh, quel cœur. Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions. Non, non, ça se dit, mais c'est pour ne pas avoir l'air de se faire des compliments. Mais qu'est-ce que ça fait entre nous? Eh bien, je dirais, si vous voulez, qu'on est la plus belle, la plus charmante, la plus exquise de toutes les femmes. Vous allez d'un excès à l'autre. Non, pas passable seulement. Comment passable? On n'a pas des attraits. Mais enfin, je vous assure qu'on comprend très bien qu'un homme pas trop vieux, ou bien alors très jeune, qui n'a pas trop l'embarras du choix... Oh, mais elle me bêche à présent. Enfin, on a vu des choses comme ça. Voyez plutôt la colonne Vendôme. Oh, la colonne, quand ce serait même la Bastille. Elle m'ennuie à la fin. Mais qu'avez-vous? Mais je trouve vos propos de mauvais goût. Moi? Mais vous êtes trop indulgente pour moi. Mais on ne parle pas ainsi des gens. Oh, quand ils vous touchent d'aussi près... Enfin, c'est bon, j'ai été trop loin, je retire. Le fait est que j'ai été un peu sévère, mais je n'en pense pas un mot. À la bonne heure. Quelle excellente amie. Madame, c'est monsieur qui est arrivé. Il a l'air tout effondré. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi ça? Qui a-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? C'est monsieur Pacarel. C'est ton père. Ah, mes amis. Mes amis, de l'eau de mélisse, quoi. Mais... Quelque chose. Secourez-moi. Qu'est-ce que je n'en puis plus. Oh, quel coup. Ah, ben, il l'a passé, son audition. Eh ben, c'est du propre. Ah, mes amis. Un désastre. Oh. Ah, si je m'étais attendu à ça. Hier, déjà, quand nous l'avons fait chanter, je me disais bien... Et toi aussi, Landerneau, hein, tu me disais. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais je pensais que... Nous ne sommes pas musiciens, et puisqu'il est célèbre, c'est qu'il a une belle voix. Ah, je t'assure qu'il est bien surfait. C'est comme ça qu'on fait des réputations dans le midi. J'aurais dû m'en méfier, après tout. Les Bordelais, ces six blagueurs... Eh bien alors, Et ben voilà. Nous arrivons donc à l'opéra. Les directeurs nous reçoivent, et l'on passe dans la salle. Il n'y avait que nous deux et le jury. Le jury était composé des directeurs, du chef d'orchestre et d'un pompier qui se promenait. Oui. Mais ce dernier ne devait avoir que voix consultative, car n'ayant point été interrogé, il n'a point émis d'avis. Voilà. Le chef d'orchestre était chargé d'accompagner. Il demande à Dufausset quels sont les airs qu'il chante. Il répond qu'il possède assez bien « Mademoiselle, écoutez-moi donc ». On lui objecte que ça ne fait pas partie du répertoire. Alors il fait « Ah, tant pis ». Et il se rabat sur son éternel « Salut, demeure et chasse des pubs ». Moi, je me sens saisi d'inquiétude parce que ça n'avait pas si bien marché que ça hier. Enfin, je me dis « À la grâce de Dieu ». Et il a chanté. Si on peut appeler ça chanter. C'était faux. Oh, et pas sans mesure. Et il a eu beau prétendre que c'était le piano qui était faux et l'accompagnateur qui allait trop vite. Ça n'a pas mordu. Les directeurs se sont regardés, ahuris. Le pompier, lui, ne disait rien. Mais il n'avait pas l'air satisfait. Quant à l'accompagnateur, il était en moiteur. Il faisait « Mais allez donc, mais allez donc !» Oui, bien sûr. À la fin, Dufausset a dit « Flûte !» Et j'ai senti que tout le monde me regardait. Ah, j'étais couvert de honte. Et quand je suis parti, on m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Le bandit. Calme-toi. Calme-toi. Mais c'est bien facile à dire, ça. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ce propre rien? Car enfin, j'ai traité avec lui. Un traité qui me lie comme un mouton. 3500 francs par mois. Si tu crois que c'est peu de chose, pour un ténor qui n'a pas de voix. Et puis ton opéra, alors, qu'est-ce qu'il jouera? Ce ne sera pas Landerneau, hein? Ce ne sera pas moi. Et cependant, je ne puis pas traiter avec tous les ténors libres d'engagement pour te trouver un interprète. Fondons une agence, alors. Allons, voyons, tu exagères les choses. Dufausset peut être fatigué, le changement de climat, on ne sait pas, le voyage. Il est arrivé d'hier. Tu lui as laissé le temps de souffler à peine, tu comprends? Alors, s'il est célèbre à Bordeaux, il y a quand même quelque chose. Oh non, mais c'est un zéro, vrai. Ah ben, j'ai fait une jolie acquisition. Lui. Laissez-nous seuls. Oui. C'est moi. Ah, vous voilà, monsieur. Oui, je meurs de faim. Ah, vous mourrez de faim. C'est bien ça. Et c'est moi qui dois nourrir les bouches inutiles. Vous ne rougissez pas de votre état de parasite ? Parasite ? Ah bah, dites donc ! Ah, vous pouvez vous vanter d'avoir été brillant tout à l'heure à l'opéra. Mon Dieu ! Vous trouvez que ça a bien marché, vous ? Eh ben, vous n'êtes pas difficile. Vous n'avez pas vu la tête que faisait le pompier, sans doute. C'est honteux, monsieur. Ah, aussi, c'est votre faute. Vous n'avez qu'à pas me faire chanter. Bah, il me semble que les ténors ne sont pas faits pour cirer les bottes. Ah ben, justement, chacun son métier. Il était facile de voir que je n'étais pas en état. Eh bien, vous n'aviez qu'à me prévenir. Nous aurions attendu quelque temps. Mais j'ai cru que ce n'était pas sérieux. Nous autres bordelais, nous disons blagueurs comme un Parisien. Alors je me suis fait cette réflexion. Pacarelle fait une blague à l'opéra, en boiton. Eh ben, elle est jolie, votre réflexion. Qu'est-ce que je vais faire de vous, maintenant? Pensez bien que je ne vais pas vous héberger et vous payer pour vos beaux yeux. Quant à l'opéra, il ne faut plus y penser. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Avez-vous une belle écriture? Savez-vous compter? Voyons, 35 et 9, combien ça fait? 35 et 9. Oui. 35. Ben voyons, 35 et 9, vous n'avez pas besoin de compter sur vos doigts. Non, seulement sur les doigts, c'est plus commode. Ah, plus commode? Oui. Ben il suffit qu'on ait un doigt de moins, et alors il n'y a pas moyen de faire une opération juste. Non, qu'est-ce que je vais faire de ce gaillard-là? Ah ben, je ne sais pas. On tâchera de vous employer d'une façon quelconque. Hein? Vous ferez les courses. Puis le matin, vous aiderez à faire les chambres, vous donnerez un coup de plumeau. Moi? Ben oui, vous! Il faut bien vous rendre utile à quelque chose. Prendre des ténors à 3500 francs comme domestique, c'est raide. On aurait un nègre pour moins cher, et ça ferait plus d'effet. Moi, du fossé faire les chambres. Je vais écrire à papa. Ah, dites donc. Et puis vous savez, hein, pas un mot à Tiburce des gages que je vous donne. Il n'aurait qu'à avoir les mêmes prétentions. Merci. Si je pouvais arriver à le repasser à quelque imbécile. Oh, ça c'est trop fort, alors. M'humilier de la sorte. Ce matin, il me choyait, il me mettait des foulards, et maintenant il me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Oh, vous êtes en colère, monsieur Dufossé? Oh, c'est votre père, mademoiselle. Il veut que je fasse les chambres, que je cire les parquets. Votre père. Oh. Un peu plus, il m'appelait Larbin. Oh, pauvre jeune homme. Oh. Mais papa ne pense pas ce qu'il dit. Oh, peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Oh, mademoiselle, il m'a profondément blessé. Si je n'étais pas retenu par les charmes d'une personne... Est-il possible? Une jeune personne? Oui, une jeune personne. Je ne peux pas la nommer. Oh non, non, ne la nommez pas, ça me ferait rougir. Il n'y aurait vraiment pas de quoi. Amandine doit avoir reçu mon billet maintenant. Que va-t-elle penser? Je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Ah, mais bien heureuse. Et je vous sais gré de votre discrétion. La discrétion est la première des qualités de l'homme. Ça n'empêche qu'elle voudrait bien savoir qui c'est, la petite. Je suis bien heureuse. Oui, et moi, je meurs de faim. Qui vient de sortir de là? Oh, c'est monsieur Dufossé. Il a eu une scène avec papa. Il est profondément blessé. Il est allé manger. Ben, ça prouve qu'il a du cœur. Et de l'appétit. Ton père n'est pas là? Non, tu le cherches? Oui, j'aurais besoin de lui. Pour le marquer. Il faut que je trouve mon mari aussi. Je me suis approvisionnée de craie dans le billard. Non, mais c'est bon, vous mangerez plus tard. Vous allez aider Tiburce à nettoyer les hannetons. Encore des parasites inutiles. Au moins, ceux-là, on s'en défait. Oh, mon ami, que c'est vilain ce que tu dis là. Oh, le pauvre garçon. Il le fait arroser. Mais quelle humiliation, oh, si je ne m'en retenais pas. Alors, vous voulez que je soigne votre serin? Hein? Oui. Prenez bien garde. Mon mari a des soupçons. Je crois qu'il se doute de votre amour coupable. Bah, tiens, parbleu, c'est moi qui lui ai dit. Vous, malheureux. Mais comment as-tu pris ça? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Il a dit seulement, ah, eh bien, pour la rareté du fait. Comment il a dit? Insolent. Eh bien, j'aurais bien tort d'avoir des scrupules. Monsieur, j'attends vos jarretières. J'ai 58 de tours de jambes. Ah, vous avez... 58, vous avez 58. Ça me fait bien plaisir. Mais ils ont donc la manie des jarretières dans ce pays-là. Alors, ne perdez pas votre temps. Allez me nettoyer mes hannetons. Et dépêchez-vous parce que j'aurai une autre commission à vous faire faire. Moi? Oui. Vous irez me chercher une paire de jarretières. J'en ai une des miennes qui a craqué. Lui aussi? Alors, allons, c'est dans le sang. Comment? Mais tu le laisses partir. Oh, papa, le pauvre garçon. En quoi, ça, le pauvre garçon? Sais-tu qu'il gagne pour ce qu'il me fait 3500 francs par mois? Et tu le plains? Qu'est-ce que tu diras donc de Tiburce, qui n'a que 50 francs? Mais c'est pas une raison pour l'humilier. Tu l'as profondément blessé. Veux-tu que je te dise, tu n'es qu'un égoïste? Oui, c'est très vilain. Très vilain. Très vilain. Oui, si vilain que ça? Très vilain. Bon, calmez-vous. Pauvre garçon, je vais aller le retrouver au jardin. Lui porter une parole de consolation. Moi, je cours chercher mon mari. Je m'en vais le crayer de la belle façon. Ah, comment va-t-on donner d'être pour la rareté du fait? Vous êtes bonne, vous, de me plaindre. Je trouve que c'est moi qui suis à plaindre. Demandez un peu ce que je vais en faire. Aucun théâtre n'en voudra. Mais qui sait, en cherchant. Comment veux-tu qu'on prenne un ténor qui n'a pas de voix? Je demande pardon à monsieur, mais dans tous les commerces, il y a toujours un moyen de requinquer les rossignols. Bien. Ainsi, mon père, qui était maquignon, quand il avait une rosse à vendre, il lui mettait un grain de gingembre sous la queue. Que? Et ça faisait l'affaire. J'indique ce remède à monsieur. Oui, bah, je vous remercie, si vous n'avez que ça à me proposer. Dame, pour le moment. Mais je venais dire à monsieur que monsieur Lannoy était là. Ah, faites entrer. Bien, monsieur. Futur beau-père, future belle-mère. Oh, future belle-mère, hein. Vous venez pour votre fiancée? Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'ai attendue au grenier, elle n'y était pas. Non, elle est au jardin. Attention à ne pas dire de bêtises, le remède à maman. Hein? Je lui apporte ce bouquet. À ma fiancée, je serai si heureux de la voir. Mais qu'est-ce qu'il a? Ça vous arrive souvent, ça? Julie me l'avait bien dit, mais t'es jamais aperçu. Et si vous voulez voir Julie, elle est au fond du jardin. Elle regarde tuer les hannetons. Vous en avez beaucoup de hannetons? Oh, mais il est crispant avec son tic. Mais il n'y a pas de remède à ça? Si, on prend de l'eau bouillante et on est chaude. Ça tue radicalement. Voilà un traitement. Non, moi, je connais un autre moyen. Oui, j'ai entendu parler d'un spécialiste. Un nommé Démosthène qui mettait des petits cailloux. Ben, vous pourriez peut-être essayer. Pour les hannetons? Mais non, pour votre machin, là, boulou, boulou, boulou. Oh, ça n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Allons, je vais retrouver Mademoiselle Julie. C'est ça. Ah, dites donc, pendant que j'y pense, vous n'auriez pas besoin d'un ténor? Non, ma mère cherche un cuisinier. Eh ben voilà. Je lui céderai mon ténor. Il est très solide. C'est un gaillard. Il fait les courses. Oh, mais un ténor! Oh, mais il chante si peu. Qu'est-ce qu'il demande? 3500 francs par mois. C'est pour rien. Hein? Pour un cuisinier? Mais il est fou! Sans le vin ni le blanchissage. Oh, à ce prix-là, sous aucun prétexte! Je te dis, personne n'en voudra. Je me sauve! Enfin, si vous entendez parler, n'est-ce pas? S'il pouvait donc seulement retrouver pour 24 heures sa voix. Si on pouvait avec du gingembre, comme pour les chevaux. Après, parbleu, ben, ça me serait bien égal qu'il n'ait plus de voix, une fois que je l'aurais casé. Il serait peut-être temps de parler à mon mari pour le signal. Faut-il dire oui? Décidément. Oh, ma foi, tant pis. Ah, mais comment faire? Oh, quelle idée, monsieur merveilleux. Dis donc, mon ami. Alors, tu voudrais bien que Dufossé retrouve sa voix? J'ai peut-être un moyen, je ne garantis rien. Tu sais, je te le donne pour ce qu'il est. Ah, non, je n'ose pas. Tu vas rire. Non, va donc. C'est un peu de l'empirisme, d'ailleurs. Oui. C'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné. Il paraît que c'est infaillible. Quand un chanteur perd sa voix, il y a un moyen bien simple de la lui rendre. Eh bien, voilà. Bon. Quand Dufossé entrera, tu agiteras ton mouchoir comme ça, en disant trois fois « Coucou !» Alors voilà. Ouais. Coucou, trois fois. Eh ben, et puis? Et c'est tout. C'est ça? Mais il est stupide, ton moyen. Mais ça ne coûte rien de l'essayer, voyons. C'est un remède de bonne femme. Enfin, j'essaierai, ça ne fera toujours pas de mal. Oui, alors, coucou, alors voilà, trois fois, hein. Bon. Ah, et l'heure à présent. 2 heures, c'est une bonne heure. Ah! Quoi? Tourne-toi. Pourquoi ça? Marc trace 2 raies à la craie dans le dos de Pacarel. Voilà, 2 heures. Mais je me chatouille. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais rien. J'ai cru voir une bête sur toi. Alors eh bien, non, j'avais vu double. Et maintenant, Dufossé saura à quoi s'en tenir. Ah si, tu as bien compris. Tu agiteras ton mouchoir bien fort. Landerneau a 3 raies dans le dos et tient son mouchoir à la main. Ça, par exemple, si ce remède-là réussit, je renonce à la médecine. C'est idiot. Dieu, que les femmes sont bêtes. J'ai fixé à 3 heures, voulant 3 raies. C'est l'heure où mon mari ronfle. Je te laisse. Eh bien, qu'est-ce que tu fais avec ton mouchoir à la main? Ah ben, et toi? Moi, rien, non, j'attends que j'éternue. Eh bien, moi, tu n'as pas idée comme c'est bête. C'est Dufossé que j'attends avec. Vrai? Eh bien, veux-tu que je te dise? Moi aussi. Hein? Il paraît qu'en agitant le mouchoir, ça rend la voix. Eh ben oui, précisément. Comment, ce serait vrai? Lui, un homme de science, ça me rassure. Alors, il suffit d'agiter. Et oui, en disant trois fois, coucou, allô, voilà. Ah non. Ah si. Non, Bibi, je ne vais pas parler de ça. Et c'est qu'elle a oublié. Mais pas du tout, elle m'a dit qu'il fallait chanter Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. Ah, il y a peut-être une variante. Il y a tant de branches dans la médecine. Eh bien, elle est bien bonne. Je l'aurais jamais cru, moi. Attention, le voilà. Ah, êtes-vous content? Je les ai tués, vos hannetons. Colimaçon. Coucou, allez voilà. Coucou, mais qu'est-ce qu'il vous voilà. Coucou, allez voilà. C'est le signal, c'est le signal, oh bonheur. Elle accepte. Vous voyez comme il s'agite? C'est le commencement de la crise. Oh, pauvre femme, elle craint que son mari ne suffise pas. Elle a pris du renfort. Eh bien, ça va-t-il? Éprouvez-vous quelque chose? Bon, ben je crois bien. Il me semble que tout se dilate en moi. Eh ben c'est ça, c'est bien. C'est ça. Incroyable. Blaguer dans les empiriques. Ben, il faudra que j'essaie ça avec mes malades. Ah ouais. Coucou, allez, voilà. Allez, ça suffit. Ne vous fatiguez pas, ça suffit. Laissez donc, plus il y en aura, plus ça vaudra. Mais oui, c'est pour votre bien, vous occupez. Ah, c'est pour... Il est étonnant, ce mari. Il voit les deux raies dans le dos de Pacarel. Une, deux, le rendez-vous est à 2 heures. Du fossé aperçoit le dos de l'endormi. Une, deux, trois. Ah non, bon, il y en a trois, là. Ah, ça, est-ce que... Est-ce deux, est-ce trois? Eh ben non, elle a partagé entre les deux hommes. Il faut additionner, par conséquent. C'est deux et trois. Deux et trois. Cinq, deux et trois, faux cinq. Eh bien, c'est ça, cinq. C'est à 5 heures. Oh, je suis bien heureux. Coucou, à moi, du plaisir. À tous les jeunes, mes terrestres. À moi, les terrestres. À moi, leur désir. Il a retrouvé sa voix. C'est merveilleux. Enfin, je retrouve mon ténor. Ah, Dufossé, ce cher Dufossé. Eh bien, qu'est-ce qu'il en prend? Ah, mon ami. Ah, la noix de veau. Écoutez ça. Il a retrouvé sa voix. Qui? Mon ténor. Le cuisinier. Tenez, recommencez pour qu'il entende. Landerneau, ton mouchoir. Vous aussi, la noix. Agitez votre mouchoir, ça renforcera. Qu'est-ce qu'il chante? Ce qu'il chante? À moi les plaisirs. Non, mais vous allez entendre ça. Allez, allez, allez, du fossé. Vous voulez que... Oui, allez, allez. Bon, ben, à moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Ça y est-il? Oui, à moi leurs désirs, à moi leurs caresses. Comment, nous aussi, aussi. L'énergie des astres puissants. Oh, mais ce talisman est merveilleux. Ah, Julie! Marthe, Bibiche, venez. Venez, mes amis, Dufossé a retrouvé sa voix. Et la folle orgie du cœur est descendue. Mais taisez-vous dans vous. Alors, Marthe, ton moyen est admirable. C'est pas possible. Si j'y comprends quelque chose, moi. Monsieur a essayé du gingembre. Mais non, laissez-nous nous tranquilles avec votre gingembre. Oh, je suis bien heureux, madame. Je serai exact. Voici vos jarretières. Merci. Il y tient. Mais vous me jurez que c'est en tout bien tout honneur. Ah, je le jure. Ah, oh, jeune homme, qu'allez-vous penser de moi? Hein? Encore elle? Mais rien du tout! Dis un peu, tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ah ben décidément, c'est un tic. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ah, ça ne peut être que lui. Ah, oh, jeune homme, je vais être bien coupable. Ah non, tant mieux, tant mieux. Oh, il est content, pauvre chéri. Et maintenant, je retourne aux hannetons. Oh, mais jamais de la vie! Aux hannetons, vous, Tiburce, à vos arrosoirs. Et vous, du fossé? À la gloire, à l'opéra, à nous, Landerneau. Coucou, à le voilà, coucou, à le voilà, coucou, à le voilà. Tiburce est en train de balayer la salle à manger. Ristique, j'ai mal dormi. Toute la nuit, il m'a semblé entendre marcher dans la maison. J'ai eu des cauchemars. J'ai rêvé que j'allais épouser Bibiche. Elle était encore plus en chair que nature. Mais alors, voilà qu'il a surgi une belle-mère qui avait la tête de Landerneau. Et elle était contre le mariage. Alors, il y a eu un crêpage de chignon et je lui ai allongé un coup de poing. Je le sens encore, j'ai tapé dans le mur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de belle-mère? Voyons dans la clé des songes. C'est infaillible. J'ai connu une nourrice à qui elle avait prédit que son fils remuerait des millions. Il est devenu croupier. Voyons. Ah, belle-mère. Voyez Bassinoire. Ah bon. Alors, Bassinoire, voyez belle-mère. Oh, bah, ça peut durer longtemps comme ça. Ah, Tiburce. Dites-moi, monsieur Pacarel, ni le ténor ne sont encore descendus de leur chambre? Non, j'y comprends rien. Il est près de 11h et personne n'est encore en bas. Comme si on avait veillé toute la nuit. Je crois entre nous que si l'on dort si longtemps aujourd'hui, c'est parce que hier, la cuisinière, n'ayant plus de caramel pour colorer le bouillon, y a mis de laudanum. Du laudanum? Vous êtes fou? Oui, monsieur, de laudanum. Allons donc, vous ne savez pas ce que vous racontez aujourd'hui. Et puis d'abord, on dit du laudanum. Comment du haut et du féminin, monsieur? Monsieur ne dit pas du lot de vie. Passez-moi du lot. On dit de l'eau de vie, de laudanum. La grammaire est la même pour les domestiques comme pour les maîtres. Quel idiot. Allons, je m'en vais. Vous êtes en train de balayer. Je ne tiens pas à avaler tous vos microbes. Oh, monsieur peut rester. Quand je balaye, je prends bien garde à ne pas déplacer la poussière. D'ailleurs, j'ai fini. Ah. Oui, c'est même ce qu'il y a d'agréable dans cette façon de balayer. Quand on veut, on a toujours fini. Ah, voici monsieur Pacarel. Laissez-nous. Bien, monsieur. Hé, hey, arrive donc, toi. Mais voilà. As-tu vu du fossé? Pas encore. Ah, tu ne sais pas s'il a encore sa voix. Ah, dame, je ne l'ai pas vu depuis hier. Hein? Après tout, je suis tranquille. Nous avons le moyen. Colle-moi son borgne. Ah, mon Dieu, mais si ça n'allait pas marcher à l'opéra? Ah, ma foi, ça pourrait bien arriver. Tu sais, moi, on ne m'enlèvera pas une chose de la tête. C'est que Dufossé cherche à nous mettre dedans. Il ne serait pas ténor? Au contraire. Seulement, il a des raisons pour nous le cacher. Tu crois? Parbleu. Tu comprends, il est inadmissible qu'on lui ait fait une réputation de chanteur, même dans le midi, s'il est complètement à faune. Seulement, il a dû flairer la vérité, apprendre que l'opéra voulait l'engager. Alors, furieux d'avoir signé avec toi, il n'a trouvé d'autre moyen pour t'amener à résilier son engagement que de te faire croire qu'il n'avait pas de voix. Eh ben, elle n'est pas mauvaise. Il la connaît, du fossé. Heureusement que tu as vu ça tout de suite, toi. Oh, c'est que nous ne sommes pas des imbéciles. Eh, dame, c'est clair. Une voix ne se perd pas en deux jours. Mon Dieu, qu'il la perde à la longue, ça pourrait arriver. Parce qu'il a quelque chose qui lui a fait du tort, à mon avis. Je le crois très noceur, ce garçon. Et tu sais, pour la voix. Ah, tu crois que... Et lui, il suffit qu'il aperçoive un cotillon. Tiens, ici. Tu n'as rien vu, toi. Eh bien, il est une femme autour de qui il tourne. Comment, je n'ai rien vu? C'est sa femme, parbleu. Oh, je ne la nommerai pas. Non. Le maladroit, il s'est fait pincer. Je ne la nommerai pas parce que c'est sa femme. Je t'assure, Landernau, cela n'est pas... Tiens, parbleu, il ne te l'a pas dit. Si, au contraire, il me l'a dit. Hein? Il m'a dit, vous savez, Pacarel, j'ai l'air de... Eh bien, pas du tout. Ça n'est pas ça. Je vous assure qu'il n'y a rien. Je te crois, tiens. Ah, et puis, tu sais, moi, je veux bien. Pour moi, je m'en fiche. Ah, tu... T'es une bonne patte. Mais c'est égal. Toi, méfie-toi. Pourquoi ça, mon ami? Tu t'en fiches? Ben, je fais comme toi. Ah bon, alors? Il est philosophe. Ah, voilà, c'est moi. Ah, voilà, mon cher Dufossé. Donc, je vous ai entendu faire des roulades tout à l'heure. Moi? Des roulades? Mais jamais de la vie. Comment, jamais de la vie? Non, il dit vrai. Je l'ai cru, moi aussi, d'abord, mais c'est l'eau dans le réservoir, l'eau qui montait. Ah, c'était? Oui. Ah, bah, il chante bien. comme vous, d'ailleurs. Oh, vous avez une voix. Mm. Un farceur. Vous avez beau la rentrer, ça éclate. Et timbré. Hein? Ah, êtes-vous assez timbré? Moi? Ah, ben, pas plus que, par exemple. Ah, non, voyons, pas de cacheterie. Vous savez, nous sommes des roublards, nous. Faut pas essayer de nous la faire. Laissez-la donc sortir. De qui? Ben, votre voix. Vos zuts. Vos? Zuts. Ah, ben, merci, j'avais bien entendu. Alors, hein? Alors, allons-y. N'est-ce pas? Savons tous que vous êtes un ténor de la plus grande valeur. Oh, moi, mais c'est pourri. Ne faites donc pas l'innocent. Je sais bien que c'est dans votre jeu. Mais c'est inutile, on ne vous lâchera pas. Ainsi, c'est pas la peine de vous entêter. Mais ils y tiennent, hein. Allez, faites un peu. Allez. Ah, hein? Voilà. Plus fort. Mais ils font tourner en bourrique. Eh bien, voilà, ça y est. C'est un peu faux. Mais c'est parce qu'il y a des coins d'air. Ah. Ah oui, quand il y aura un décor derrière. Ah, vous voyez bien que vous avez une voix superbe. Qui, moi? D'ailleurs, votre réputation est faite dans Bordeaux. Bon, allons donc. Mais c'est bien pour ça que je vous ai fait un si brillant engagement. Sans ça, vous pensez bien. Mais c'est vrai pourtant. Non, mais alors, c'est sérieux ce que vous dites là? Madame. Eh ben, je m'en serais jamais douté. Aussi, c'était enfantin de vouloir nous le cacher. Oh, mais je vous assure que jusqu'à présent, comme on s'ignore tout de même, hein. Et... Non, mais c'est que c'est positif. Voulez-vous que je vous dise? Oui. Au fond, j'ai toujours senti que j'avais de la voix. Ah. Mais on me décourageait là-bas en me disant « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir. » Oh, mais il y a toujours des envieux pour contrarier les vocations. Et doré mi face à l'incident. Ah, allez, ta mère, ça toujours le même air. Ça, il va, il peut. Ah ben, n'ayez pas peur. J'en apprendrai d'autres. Ah, c'est si beau, une belle voix. Ah, je crois bien. Mais en France, vous n'avez pas ça. Non, ça, il faut aller en Italie. Si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine... Qu'est-ce qui se passe? À la chacha. Quoi, à la chacha? Pourquoi parlez-vous arabe? Non, c'est pas l'arabe. Non, je dis à la chacha... Oh, mais et qu'est-ce que vous venez de dire, enfin? J'ai dit que si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine... J'avais bien entendu. Comment? Vous avez été à la chapelle Sixtine? Vous? Bah oui. Chantez? Quoi? Je dis chanter. Chanter? Oh, il veut encore que je chante. Mais parfaitement. Salut, demain, chante. Ah bon, eh bien, c'est bon. Il m'a dit parfaitement, tu as entendu? Oui, je n'en reviens pas, le pauvre garçon. Non, mais pour en revenir à la chapelle Sixtine, vous savez sans doute que les chantres en sont... Vous ne pouvez pas vous faire une idée de l'intensité d'harmonie qui se dégage de ces voix si pures ainsi assemblées, qui chantent toutes leurs parties avec une or. Oui, ils les chantent de mémoire, bien entendu. Bah, évidemment. Et comment un garçon comme vous a-t-il pu avoir l'idée d'entrer là-dedans? Oh, elle s'appelle Sixtine? Ah bah, ma foi, vous savez ce que c'est, hein? J'étais à Rome, j'avais déjà un peu le spleen. J'apprends tout à coup que ma maîtresse, une femme qui m'avait juré un amour éternel, venait de filer avec un dentiste napolitain. Ah, je vois ce que c'est. Un désespoir d'amour. Mettez-vous à ma place. Merci. Ah, mais vous comprenez mon humeur. Pour m'étourdir, alors, je me suis mis à arpenter les rues de Rome. Oui. Seul, découragé, dégoûté de la vie et des femmes. Oui. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois devant moi? La chapelle Sixtine. Pour un homme qui est tout seul à Rome, avec le spleen en plus et une maîtresse en moins, c'était encore une ressource. Oh, médiocre. Oui, enfin, je m'écris, ma foi, c'est le ciel qui l'envoie, entrons à la chapelle Sixtine. Comme ça, blanc. Niez donc la vocation. Ah ben, je ne l'ai pas regretté, allez. Jamais. Attends, je peux dire que j'ai éprouvé là une des plus grandes secousses de ma vie. Je vous crois. Non, je n'étais pas plutôt entré, monsieur, que je me sentis pris par tous ces chantres à la voix céleste. Terrassé. Démonté. Démonté. Je n'étais plus un homme, monsieur. J'étais... Ah, peut-être je ne sais plus ce que j'étais. Non, ne cherchez pas. Oh, le pauvre garçon. Enfin, me croirez-vous quand je vous dirai que j'ai pleuré? Oui, monsieur. Comme un veau, à ce moment-là. Ah, je ne savais pas que les veaux, à ce moment-là... C'est sans doute la perspective du pot-au-feu. Ah, c'était de l'extase, quoi. Au point que je n'ai même pas fait attention à ce qu'on m'y a exécuté. Quel spartiate. C'est égal, ben, je ne l'oublierai jamais, ça. Oh, salutaris hostios. C'est tout à fait ça. Eh bien, ça ne vous donne qu'une faible idée, hein. Mais, dites-donc, et moi qui croyais... Que vous faisiez la cour à Madame Landerneau. Hein? Ben, je ne saisis pas le rapport. Dites donc. Oui. Dites donc, figurez-vous que j'étais persuadé que vous cultiviez Madame Pacquerel. Hein? Ah ben ça, mais je donne le mot. Oh, pauvre ami. Et maintenant, je réécris à l'opéra. Oui? Vous tâcherez d'être brillant. D'ailleurs, peu m'importe maintenant que j'ai le secret. Essayons-nous, Landerneau. Essayons, Pacquerel. Colimaçon, non, merci. Pas tout le temps, j'en ai assez, moi. Ah, oui, vous avez raison. Il vaut mieux se réserver pour la grande occasion. Oh, c'est égal, ce pauvre du fossé. Landerneau, allons faire nos lettres. Allons, Pacquerel. Ah, oui, ça, j'en ai assez. J'y étais prêt hier, mais on n'y reprendra plus. Salut, demeure, chasse tes putes. Mais non, mais c'est vrai que j'ai de la voix. Et dire que j'ai mis 24 ans à m'en apercevoir. Salut, demeure, chasse tes pures. Salut. Non, ce matin, à 5 heures, comme c'était convenu, après une nuit blanche ou à peu près, car j'ai eu le cauchemar tout le temps, j'ai rêvé d'hippopotame. À 5 heures, je saute en bas de mon lit et tout palpitant, je descends dans la serre. Je me dis, elle va venir, je l'attends. Eh ben, j'ai attendu comme ça jusqu'à 8 heures. Ah, je vous demande un peu. Si elle n'avait pas l'intention de venir, elle n'avait pas besoin de fatiguer son mari et l'autre à agiter des mouchoirs. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, vous... Eh bien, j'allais vous le dire, madame. Ah, vous trouvez que c'est comme il faut de faire poser les femmes? Ah ben, elle est forte, celle-là. Une heure, monsieur, une heure j'ai attendu. Et j'aurais peut-être attendu encore son bibiche. Bibiche? Oui. Ah oui, la grosse. Oui, oui, bibiche, qui a surgi à 3 heures sonnantes dans la serre, sous prétexte qu'elle avait une rage de dents qui l'empêchait de dormir. Alors je lui ai dit que j'avais une névralgie pour sauver les apparences, et nous nous sommes promenées toutes les deux de long en large. Enfin, comme elle avait l'air de ne pas vouloir s'en aller et qu'elle me conseillait d'aller me coucher, je suis partie pour ne pas éveiller les soupçons. À d'autres, madame, à d'autres. 3 heures, moi, 3 heures j'ai attendu. C'est pas une heure, ça. Vous m'avez attendu, vous? Parfaitement. Dans la serre? Oui, dans la serre. Il n'y en a pas plusieurs, je suppose. Oh, bordelais, va. Oh, ah, mais ça, je vous assure, vous voudriez mettre les torts de mon côté. C'est hein? Vous qui voulez vous donner les gants? Non, non. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Mais rien, nous discutons. C'est madame qui m'accuse. Oh, eh bien, tenez, prenons monsieur Pacarel pour juge. Bon, alors, en thèse générale, ouais. Une femme accorde un rendez-vous à un monsieur, non, n'est-ce pas? Eh bien, ce monsieur croit de bon goût, après avoir sollicité ce rendez-vous, de ne pas venir. Eh bien, ce monsieur est un paltoquet. Là, mais permettez. Oui, mais quand c'est la femme... Non, n'importe, c'est toujours l'homme qui a tort. Ainsi, je suppose que ma femme... Je veux bien vous dire ça à vous qui êtes sans importance. Ah bah, dites donc. Non, mais ma femme vous donne un rendez-vous. Oui. Vous n'y allez pas. Oui. Vous êtes un paltoquet. Ah bah, dites donc. Non, moi, le mari, je vous en sais gré. Mais vous êtes un paltoquet tout de même. Non, mais dites donc. À propos, de quoi parliez-vous? Mais à propos d'une dame que Monsieur Dufausset connaît bien et qui a eu la faiblesse... Ah, une dame? Oui. Une femme mariée? Oui, oui. C'est toujours drôle. Et le nom du mari? Ah non, ça on ne peut pas te le dire. Ah, mais je ne le répéterai pas. Je le crois bien, tiens. Après tout, je le sais, c'est l'en dire nous. Oh, c'est Marie, quel type, tous aveugles. Et c'est à vous que ce rendez-vous... Ah, attends, elle tombe bien, Amandine. Oh, ben, je comprends que vous y remontez dans son état. Allez, vous êtes condamnée. Oh non, ça, elle est trop forte. C'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai tort. On me fait poser et l'on me fait des selles. Oh non. Ah, vous voilà, monsieur. Alors bon, l'autre à présent... Ah, vous êtes encore un joli coco, vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait jamais ce qu'elle veut, cette toquée-là. Ce qu'il y a. Ah ça, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Je pourrais bien lui faire la même question, par exemple. J'aime à croire que votre pendule est détraquée. La plus détraquée des deux n'est pas celle qu'on pense. Ouais, ce que ça fait, une pendule qui sonne 3 heures. Ça fait ding, ding, ding. Non, mais je vous dis qu'on devrait l'enfermer. Non, mais si c'est pour me faire un cours d'horlogerie, vous savez... Que faisiez-vous donc, monsieur, cette nuit à 3 heures? À 3 heures? Qu'est-ce que je faisais à 3 heures? Je dormais. Vous dormiez? À 3 heures, il osait dormir. Madame, c'est plutôt l'heure, non? Et même, je rêvais. Assez! N'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi. Ah non, je rêvais d'hippopotame. Il y a une nuance. Ah, si pas même. Vous ne rêviez même pas de moi. Eh bien, pendant que vous préfériez les hippopotames, je veillais, moi. Ah bah oui, c'est ce qu'on vient de me dire, une rage de dents. Ah bah, prétexte. Je veillais, je vous dis. Que répondez-vous à ça? Bah, sacristi, mais c'est pas de ma faute. Oh, mais est-ce qu'elle est grincheuse quand elle n'a pas dormi? Mais si, monsieur, c'est de votre faute. Et je me promenais de loin large, comme une dinde. Oh, permettez. Si, monsieur, comme une dinde. Ne me contredisez pas, ce n'est pas poli. Ah bon, alors si vous tenez à dinde... Bon, insultez-moi à présent, l'injure après le mépris. Oh, mais elle m'ennuie à la fin. Oh, Dufausset, vous avez déjà assez de moi. Vous me méprisez. Mais pas du tout. Quelle bassine noire. Mais voyons, mais vous n'avez pas dormi. Eh bien, je sais que c'est très ennuyeux. Hélas. Mais ça ne sera rien, je connais ça, ça m'est arrivé aussi. Vrai, Dufausset, ça t'est arrivé. Ça vous est arrivé aussi. Ah, il m'aime donc encore. Mais oui, n'est-ce pas? On est agité, on se tourne d'un côté et d'autre. Oui. On a trop chaud, hein? La peau nous brûle, on retourne son oreiller, on ne sait pas comment se mettre. Et puis on finit par se lever. Oui, c'est bien ça. Eh bien, je sais ce que c'est. C'est le café. Ah, vous ne devriez pas prendre le café le soir. Café? Oh, l'infâme. Ma concierge à Bordeaux, ça lui faisait le même effet. Oh, tiens, je te vais. Ah, tu me... Hein? Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, non, elle n'est pas méchante, remarquez, mais c'est la tête qui déménage. Vous êtes encore là, monsieur? Ah, madame, expliquons-nous. C'est inutile. Monsieur Pacarel, qui n'est pas intéressé à la question, a eu soin de vous dire votre fait. Mais je vous assure que je n'ai rien à me reprocher. Je suis arrivé à 5 heures précises dans la serre. Et vous n'y étiez plus. Rien que cela, 3 heures de retard. Si c'est ça que vous appelez être exact, comment vous venez à 5 heures quand on vous donne rendez-vous à 2? Ah, pardon, à 5. Mais à 2, voyons, vous le savez bien. Mais non, à 5, je le sais bien aussi, j'ai compté les raies. Mais c'est que vous ne savez pas compter. ou que vous avez trop marqué. Mais je n'ai fait que deux raies, moi. Deux sur l'un, oui, et trois sur l'autre, ce qui fait cinq. Sur quel autre? Madame, trois sur Landerneau et deux sur Pacarel. Mais permettez, je n'ai pas rayé Landerneau. Bah, il s'est pas rayé tout seul, non? Mais il se sera fourré du blanc quelque part, contre un mur. Un mur qui raye joliment bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai mis que deux raies. Vrai? Mais parole! Alors je demeure stupide. Crayons au prodige et recevez mes excuses. Je les accepte. Oh, et moi qui vous maudissez. Et moi donc? Vous croyez peut-être que je me gênais? Oh, Amandine! Oh. Mon Amandine! Oh, Quoi? Il m'appelle Amandine? Bah oui! Mon Amandine, à mon Amandine. Encore, mais vous ne voyez donc pas que vous vous êtes coupé? Je me suis coupé, moi. Ça saigne, ou ça? Mais pourquoi m'appelez-vous Amandine? Mais parce que ce nom m'aide tout, parce que je l'aime, mon Amandine. Oh, il avoue, et c'est à moi qu'il vient dire ça. Bah, dame, à qui voulez-vous que j'aille le dire? Oh, laissez-moi, c'est infâme, partez. Partir, moi, quand je voudrais passer ma vie à vos pieds, jamais, tenez, je suis à vos genoux. Ah oh, mon mari, mais relevez-vous. Mais ça ne fait rien. Mais il sait. Ah, quoi? Du fossé, au genou de madame Pacarel. Oh, mais qui ne voit donc pas Pacarel? Oh, insensé, relevez-vous. Le mari, pincé. Mais oui, le mari, vous êtes fou. Vous ne voyez pas que Pacarel vous voit. Ah, ce n'est que parce que Pacarel me voit que... Ne crois pas ce que tu as vu, tu sais, ça a l'air. Oh, l'imprudent. Ah, me laisse donc. Elle est bien bonne. L'échappée de la chapelle. Petit poseur. Ah, bien, il est de bonne composition. Oh, mais mon ami ne va pas supposer. Mais puisque j'en ris. Au moins, monsieur Landerneau, ne croyez pas tout ça. Je n'aime pas votre femme, vous savez. Oh, parbleu. J'avoue que les apparences sont contre moi. Mais c'est pour sauver une situation. C'est sa femme que j'aime. Oh, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de me dire ça. Et si vous m'avez vu au genou de madame, c'est pour détourner les soupçons de Pacarel. Ah, drôle de façon. Eh bien, voulez-vous que je vous dise, votre calme me blesse plus que votre colère. Mais je te dis que je suis calme. Parce que je sais qu'il n'est pas dangereux. Non, le café, je ne l'avalerai pas. Elle, c'est le ciel qui l'envoie. Vous savez, monsieur Pacarel, je vous le dis d'avance, votre femme, je m'en moque comme d'une quille. Seulement, je vous demande pardon de ce que je vais faire. C'est pour sauver la situation aux yeux du mari. Ah, Marthe, je t'aime. Oh, mon Dieu. Hein, ma femme? Vous êtes fou, mon mari. Ne craignez rien, je l'ai prévenu. Mais monsieur, vous perdez la tête. Et puisque je vous dis que je l'ai prévenu. Hein? Oh, Marthe, tu es belle. Marthe, il m'appelle Marthe et je m'appelle Amandine, elle, monsieur. Hein, comment Amandine? Bah, Amandine, c'est madame. Mais je m'appelle Marthe, monsieur. Marthe Pacarel. Hein? Marthe Pacarel, c'est vous? Et Amandine, pendant que... Oh, quel pétrin. Oh, messieurs, mais je vous assure, enfin, croyez que... Oh, mais continuez donc, mon cher ami, de vous, ça m'est bien égal. Allez, nous ne sommes pas jaloux. Hein? Oh, ben, il n'y a pas à dire, il se moque de moi. Attends, je ne comprends plus rien, moi. Sinon, on fait des changements depuis deux jours. Comment? On me présente une grosse Marthe et une exquise Amandine. Et voilà que la grosse Marthe se trouve être la grosse Amandine et l'exquise Amandine devient l'exquise Marthe. La femme de Pacarel est la femme de l'autre, pendant que la femme de l'autre devient... Oh, c'est à n'y rien comprendre. Non, ça doit être eux qui se trompent. Pas possible. Alors c'est un tour de passe-passe comme aux cartes. Mais alors je ne sais plus, mais à qui ai-je fait la cour? À quel mari ai-je été sur le point de tromper? Enfin, quel est le serin qu'il faut soigner? Comment sont-ils mariés tous ces gens-là? Ah, oui. Peut-être bien sous le régime de la communauté des femmes. Le libre-échange dans le mariage, oui, c'est ça. Madame, hein, avec le progrès. Bonjour, monsieur Dufossé. Tiens, bonjour. C'est vous, je vous remercie, ça ne va pas mal. Ah, tant mieux. Et vous vous portez bien? Comme je viens de vous le dire. Ah, c'est vrai, vous venez de me le dire, mais je ne vous l'avais pas demandé. Ah, vous avez raison. Oh, c'est étonnant comme on a l'air bête quand on ne vous demande pas comment vous allez. Et que vous répondez, je vous remercie pas mal, et vous? Heureusement que ça arrive tous les jours. Vous n'avez pas vu monsieur Pacarel? Oui, il me quitte à l'instant. Vous êtes souffrant? Voulez-vous de la gomme? Non, merci, je me fais la voix. Ah, vous êtes là, mon cher Lannoy de Vaux. Je descends 4 à 4, vous serrez la main et vous amenez votre fiancée pendant que ma page sèche. Oui, je suis en train d'écrire une lettre importante. Votre mère va bien? Votre sœur? Je n'en ai pas. Allons, tant mieux. Bonjour, monsieur Lannoy. J'allais vous le dire, mademoiselle. Non. Vous allez bien? Mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien. Allons, mes enfants, je vous quitte. Mon cher Dufossé, rendez-moi un service. Dans votre situation, on peut vous demander ça, n'est-ce pas? Ce sont deux fiancés. Oui. Alors, il faut les laisser à leurs épanchements. Mais en même temps, il est convenable de ne pas les abandonner complètement à eux-mêmes. C'est l'usage. C'est l'étiquette. Alors, vous allez les surveiller pour la forme, en ayant soin de ne pas les gêner, en vous promenant ici, comme ça, de long en large, sans vous mêler à la conversation. Mais enfin... Mais pour ne pas déranger leur tête à tête. Alors, voici bonne d'enfant pour adulte à présent. Eh bien, rien de nouveau? Rien. J'attends un joint. Jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. Moi, je n'ose pas dire à papa. J'aime mieux que ça vienne de votre côté. C'est comme moi avec ma mère. Je voudrais que ça arrivât de vous. Je dois avoir l'air d'un tatou, moi. Il est évident que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être mon époux. C'est comme vous. Je reconnais que vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas du tout mon type. D'abord, vous avez le nez trop long. Moi, je n'aime que les blondes. S'épanche-t-il tout de même. Et puis, je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans se fourrer de la couleur. Eh bien, moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes. Parce que là, on est sûr d'en trouver de la couleur. Oh, oh, vous avez dit cocotte. Oh, pardon, pardon, j'aurais dû tourner ma langue. Oh non, non, ça m'est égal. Je ne dois pas savoir ce que cela veut dire. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il se promène comme ça, ce monsieur? Il vous fait pas mal au cœur? Oh, pauvre garçon. C'est qu'il est jaloux. Ah. Il croit que je dois vous épouser. Et il m'aime, lui. Il me l'a fait sous-entendre. Allons donc. Et bien, et vous? Oh, moi, dame, il ne me déplairait pas. Alors faites-le lui sous-entendre aussi. Oh, comment devant vous? Oh, moi, ça m'est égal, je n'écouterai pas. Oh, après tout, ça n'est que pour le rassurer. On n'a pas le droit de laisser souffrir son prochain quand on peut calmer sa souffrance. C'est à moi? Oui, allez. Vous m'appelez, mademoiselle? Oui, je tiens à vous rassurer, vous êtes là sur des charbons. Eh bien, calmez-vous. Monsieur Lannoy, que l'on croit mon fiancé, ne sera jamais mon mari. Comment? Non, jamais, jamais. Ah, il a des bottes, il a des bottes. Mais pourquoi me dites-vous ça? Mais parce qu'après votre aveu, je n'ai pas le droit de m'amuser d'un jeu cruel qui doit vous faire souffrir. Hein? Je ne suis pas coquette, moi. Je trouve qu'il est mal, lorsqu'on sait que quelqu'un a de la sympathie pour vous, de prendre plaisir à le chagriner par des airs de dédain et des épreuves inutiles qui sont censément pour le stimuler. Tiens, tiens, tiens, tiens. Oh, j'ai bien vu combien vous étiez agacé. Vous trépignez là depuis 5 minutes. J'ai peut-être tort de vous parler de la sorte. Madame Landerneau m'a toujours dit, en amour, il ne faut jamais s'avancer, il faut laisser venir. Mais, en somme, c'est vous qui avez fait les premiers pas. Je puis bien m'avancer un peu à mon tour. Mais elle est charmante, et moi qui n'y faisais pas attention. Est-il possible, mademoiselle, que vous me parliez de la sorte? Et dire, mademoiselle, qu'on peut être assez aveugle pour venir dans cette maison et pour ne pas tomber immédiatement amoureux de vos charmes. Ah oui, mais ça n'est pas votre cas. Moi? C'est plutôt pour vous qu'on peut dire ça. Pas de personnalité, s'il vous plaît. Ah, il y a des bottes. Oh non, ce n'est pas votre cas, car vous m'avez bien vu tout de suite. Oh, mais moi aussi, vous savez. Aussi, quand vous m'avez fait l'aveu de vos sentiments. Moi, je vous ai fait, il a des bottes. Mais il ne se rappelle plus. Mais ici, quand vous étiez en colère après papa, alors ça vous a échappé, vous m'avez dit, ah, c'est moi qui m'en irais si je n'étais retenue par les charmes d'une jeune personne. Ah, alors j'ai compris. L'avez-vous dit oui ou non? Oui, oui, oui. Mais je crois bien que je l'ai dit. Et je m'en dédie pas. Je le répète. Je vous aime. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Moi aussi. Oh, mais alors là, vraiment. Elle est délicieuse. Oh, Julie! Alors, bon, voilà encore parlé à vous. Mais il était fait pour être cul-de-jatte. Oh, monsieur l'amour. Non, ne reste pas à mes genoux. Non, non, je dis, l'amour est un sentiment immédiat. Un instant m'a suffi pour me rendre follement épris de mademoiselle Julie. Qu'est-ce qui me chante là? Comment, c'est lui qui... Eh ben, et vous, là? Qu'est-ce que vous faites donc? Vous voyez, je l'ai relevé de faction. Eh ben, vous avez une bonne façon de faire votre coup. Oh, monsieur, vous êtes l'ami de mon père, vous ne me repousserez pas. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Comment, vous? Oui. Alors, voyons, vous... Dites donc pas de bêtises. Mais comment cela? Oh, papa, me sois gentil. Enfin, tu veux me marier, je le comprends, c'est pour toi. Mais en me mariant, tu me donnes un mari, ça, c'est pour moi. Eh bien, laisse-moi le choisir. Mais non, Julie. Je peux pas te dire, mais... Elle est bien bonne. Quoi? Sixtinien, là. Sixtinien. Non, mais qu'est-ce qu'il a à rire comme ça? Pacarel, à toi, voilà. Tiens, dis-moi ça. Quoi, un journal? Plus tard. Figure-toi. alors tu ne devineras jamais. Du fossé qui me demande la main de Julie. Ouais, lui, elle est bien bonne. Ah, oui. Oh, elle est bien bonne. Elle doit l'être. Elle doit être vraiment bien bonne. Oh, mais il m'agace. Je vois pas en quoi elle est si bonne. Oh, décidément, papa ne l'aime pas. Et maintenant, oh, Siri, comme ça, lis-moi ça. Qu'est-ce que c'est, quoi? On annonce l'engagement... Ah, c'est trop fort! Lisez ça à vous! Moi? Ouais. On annonce l'engagement à l'opéra du fameux ténor du jeton. Aux appointements de 6000 francs par mois. Eh ben, je m'en fiche, quoi. Ah, vous vous en fichez? C'est bon. Vous me devez 40 000 francs. Moi? Le dédit. Le dédit, mais quel dédit? Mais je ne vous quitte pas. Comment vous pouvez pas rester avec moi et être à l'opéra en même temps? Je ne vais pas à l'opéra, je ne suis pas du jeton, moi. Hein? Bah, comment vous n'êtes pas... Alors, que faites-vous ici? Quoi, un picasquette? Oh, monsieur! Pourquoi m'avez-vous dit que vous vous appeliez du fossé? Du fossé n'est pas du jeton. Mais du jeton, c'est le nom de théâtre. Ne m'avez-vous pas expliqué que vous étiez le fils naturel de du fossé? Moi, le fils naturel? Mais dites donc, mais où avez-vous pris ça? Bah, madame, c'est vous. Et puis quoi, du fossé n'a qu'un fils? Bah, je vous ai pas dit non plus que j'avais un frère. Ce fils, c'est moi. Comment c'est vous? Un gamin qui a 13 ans. Bon, mais alors, dites donc. Mais alors, vous n'êtes pas ténor? Moi? Non, je sais pas chanter. Et vous vous faites passer? Ah, c'est trop fort. Comment? Je demande à Dufausset de m'engager un ténor et il y substitue son fils. Mon père m'a envoyé faire mon droit à Paris, mais il m'a pas parlé de ténor. Il m'a seulement recommandé à vous. J'ai la lettre au fond de ma malle. Vous m'avez tout de suite offert une pension extraordinaire. J'ai accepté parce que je suis sans cérémonie. Eh bien, et mon télégramme? Mais mon père n'a rien reçu. Ah, Tiburs! Monsieur? Le télégramme que je vous ai donné l'autre jour. Oh, je l'ai là, monsieur. Pas encore parti? Comme l'administration est mal faite. Monsieur le veut? Eh non! Maintenant, déchirez-le, ce télégramme. Imbécile. Monsieur est dur pour le télégramme. Mais pas étonnant si mon père n'a rien reçu. Et maintenant, je vous redemande la main de votre fille. Ah, non, par exemple. Mais qu'avez-vous à me reprocher? Comment? Après avoir chanté à la chapelle Sixtine? La chapelle Sixtine? Mais qui, moi? Ouais. C'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai dit que j'y avais été, non que j'y avais chanté. Ah bah vous êtes gay, vous! Mais que se passe-t-il encore? Pourquoi ce conciliabule? Oh, madame, intercédez pour moi auprès de monsieur Pacarel pour qu'il m'accorde la main de mademoiselle Julie. Ah, mais permettez, je m'oppose! Oh, madame, vous voulez me flatter en me faisant croire que vous êtes jalouse. Jalouse, moi, vous êtes bien fat. Mais après tout, c'est votre fille, monsieur Pacarel. Non, mais permettez, ma fille est promise à monsieur Lanois de Vaux. Mon Dieu, monsieur Pacarel, je suis très honoré, mais mademoiselle aime monsieur. C'est exact. Il ne faut pas contrarier les inclinations. Je demande la main de votre seconde fille. Mais je n'en ai pas. Très bien. Je ne suis pas pressé. Alors, Dufausse, je ne dis pas non, je réfléchirai. Oh, merci. Et dire que je n'ai pas voix au chapitre, le scélérat. Ah, mais au fait... Oui, je vous écoute. Vous me devez une explication. Je vous ai pincé au pied de ma femme. Chut, oui, c'est pour donner beau jeu à monsieur Landerneau. J'avais un caprice pour sa femme. Dites donc, mon vieux. Oui. Mais vous vous êtes permis d'embrasser ma femme? Je n'ai rien dit parce que alors... Chut, c'était pour détourner les soupçons de Pacarel. Ouais, alors ça va bien. Oui. Alors, tout est pour le mieux. C'est égal, je n'ai pas eu de chance avec mon ténor. Aussi, ça me servira de leçon. Voyez-vous, mes amis, que vous achetiez des navets ou que vous traitiez avec un ténor, demandez toujours à voir la marchandise. On ne sait jamais ce qu'on risque à acheter chat en poche. Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, vous avez entendu Chat en poche, comédie burlesque en 3 actes. Dans le rôle de Pacarel, Jean de Bucourt. Dans celui de Dufausset, Jean Le Poulain. Landerneau, Jacques Hilling. Lanois de Vaux, Robert Murzeau. Tiburs, Bernard Lajarige. Jacqueline Maillan était Marthe. Jeanne Fusier-Gire, Amandine. Monique Delaroche, Julie. Jacqueline Cantrelle, celle qui voit. La musique était empruntée à Offenbach et l'émission réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.